sa première nouvelle Love Del Duo en 1955 à son dernier récit Black Bottom publié l'an dernier, Philippe Curval a chroniqué en un demi-siècle de littérature l'évolution du réel par le prisme de la science-fiction. Impossible de résumer en quelques lignes une œuvre aussi foisonnante qui va du roman spatial à l'anticipation politique, en passant par Venise, la baie de Somme, aux confins des univers, avec un détour par un space opéra foutral de pure géométrie pornographique. Philippe Curval, européen convaincu, anticipateur insaisissable, illustrateur à ses heures perdues, a acquis le statut de pape de la science-fiction française. Philippe Curval, le pape de la SF, est notre invité plus grand que nature pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Philippe Curval. Bonjour. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir à la table de la méthode scientifique. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit dire à un pape, votre sainteté, votre excellence. Ah, c'est-à-dire que non, je ne me considère pas comme un pape. On va avoir le temps d'en discuter tout au long de cette heure, mais avant de plonger dans votre œuvre aussi polymorphe que cyclopéenne, la grande ancienne qui surgit du fond des océans, pour livrer les toutes dernières nouvelles scientifiques chaque semaine, c'est Natacha Triou, craignez-la pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le journal des sciences. Et pour commencer ce journal des sciences, mardi, le CNRS a annoncé l'acquisition d'un nouveau supercalculateur, le plus puissant en France d'ici le printemps. Oui, alors cela s'inscrit dans le plan de recherche en intelligence artificielle annoncé en mars 2018. En France, pour le calcul intensif, il existe déjà 18 supercalculateurs. Et cette nouvelle machine sera hébergée par l'IDRIS dans l'Essonne. Elle est conçue par le géant américain Hewlett-Packard et elle s'appelle HPC-IA. HPC pour High Performance Computing. Alors qu'est-ce qui distingue ces superordinateurs des autres ordinateurs conventionnels? C'est leur multicœur et l'accumulation du nombre de processeurs. Ce type d'ordinateur, c'est très utile pour les opérations où il y a besoin de grosses puissances de calcul, comme par exemple pour des simulations physiques, l'étude du climat ou la modélisation d'objets chimiques. HPC-IA s'apprête donc à être le supercalculateur le plus puissant de France. Denis Vénante est en charge de la mission calcul données du CNRS. Il nous explique la particularité de cet outil. La nouveauté, c'est qu'on va accueillir dessus une communauté de l'intelligence artificielle qui, elle, a besoin de processeurs, type processeur graphique GPU, pour traiter massivement les données qui vont permettre d'ajuster les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, pour vous donner une idée, cette machine, elle va avoir de l'ordre de, elle va avoir 1044 processeurs graphiques. Bon, sachant que les configurations des laboratoires, elle dépasse rarement la dizaine. Et alors, justement, pour ces supercalculateurs, comment se calcule la puissance de calcul? Alors, elle est mesurée à ce qu'on appelle les pétaflops. Donc c'est la puissance théorique maximale que l'on peut obtenir de la machine. Donc un pétaflop, c'est 1 million de milliards d'opérations par seconde. Donc la machine là qu'on va acquérir, elle va avoir 14 pétaflops, donc elle est capable de faire 14 millions de milliards d'opérations par seconde. Alors ça, c'est la puissance théorique. Dans la pratique, on n'arrive pas à obtenir toute cette puissance-là, mais elle est 10 fois supérieure à la puissance de la machine qui existe déjà actuellement au centre de calcul du CNRS et qui sera arrêtée quand celle-là sera en service. Alors cette puissance de calcul, on peut aussi la mesurer avec le top 500 qui sort 2 fois par an et qui classe les machines mondiales en fonction de leur performance. La machine utilisée par les applications militaires du CEA est en 16e place dans ce classement. Et là, avec ce nouveau supercalculateur, la France arrivera en 12e place et deviendra en Europe numéro 3 derrière la Suisse et l'Allemagne. Alors avec cette opération, on voit bien qu'on tente de rattraper un léger retard en matière de calcul intensif. William Gelby est enseignant-chercheur à l'université de Saint-Quentin et responsable de la mention calcul, performance et simulation au sein de l'université Paris-Saclay. Pour lui, l'acquisition d'une machine si puissante, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas tout. La vraie question d'ailleurs, ça sera de savoir quelle est la génération suivante et ensuite avec quelle fréquence ils vont pouvoir renouveler cette machine-là. Parce qu'il ne suffit pas de faire un effet d'annonce en disant « chouette, j'arrive et je suis dans les 16 premiers, quoi, en gros, il faut tenir le rang ». Il ne suffit pas d'installer une machine, il faut la faire fonctionner, c'est-à-dire qu'il faut avoir une communauté autour. Alors, il faut avoir une communauté d'utilisateurs, mais aussi d'ingénieurs systèmes, de développeurs d'outils, parce que ces machines, si on veut dire, elles ont un très mauvais rendement. C'est-à-dire, on vous donne un chiffre de crête, de performance crête, la performance sur, je dirais, un algorithme joué on arrive à être à 60-70 performances de la performance crête. Quand on regarde des applications un petit peu plus réelles, on descend à 5%, d'accord, si on n'y prend pas garde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez acheté une Porsche, et puis vous ne dépassez pas la première, vous restez à 30 à l'heure. Donc et en prime, vous consommez autant que si vous étiez à 200 à l'heure. D'accord? Parce que ça, c'est un des points très importants, c'est des machines qui chacune vont consommer plusieurs mégawatts. Il faut bien voir que le mégawatt, c'est aux alentours d'1 million d'euros par an. Donc typiquement, une machine entre 5 et 10 mégawatts, rien que la facture électrique, vous en avez pour 5 à 10 millions. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, essentiellement, je trouve que c'est bon pour la communauté, c'est toujours bon d'avoir une machine. Deux, ben, il va falloir effectivement créer un écosystème autour. Il faut créer un écosystème, et donc ça va être un vrai challenge. En bref, maintenant, les émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis ont augmenté de plus de 3% cette année. Oui, c'est ce qu'on apprend avec cette étude indépendante qui s'appuie sur les statistiques énergétiques du gouvernement et du secteur privé. Plus 3%, c'est l'augmentation la plus forte depuis 2010. L'an dernier, pourtant, de très nombreuses centrales à charbon ont fermé, mais c'est la très grosse exploitation du gaz naturel qui alourdit ce bilan. L'intensité énergétique du pays est à la hausse, et par ailleurs, les États-Unis connaissent aussi un boom des transports aériens. Rien est routier. Et la corrélation n'est pas conséquence, mais tout de même en hausse également la température des océans, Natacha. Elle augmente plus vite que prévu, nous dit une étude parue hier dans Science. Un réchauffement environ 40% plus rapide que celui indiqué dans le 5e rapport d'évaluation du GIEC. Alors pour citer l'un de ses auteurs, le réchauffement océanique est un indicateur très important du changement climatique. Les océans absorbent l'excès de chaleur de l'atmosphère créé par les émissions de CO2. 2018 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. C'est aussi le cas pour les fonds marins. Voilà, je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée mardi précisément au courant océanique à ce propos. Deuxième sujet cette semaine, des physiciens canadiens viennent de proposer un nouveau modèle cosmologique. Un univers d'antimatière existerait, mais au-delà du Big Bang, Natacha. Le prolongement du Big Bang, c'est une idée qui a été beaucoup étudiée par les pré-Big Bang, comme le cosmologue Gabriel Veneziano, ou comment ne pas considérer le Big Bang comme une frontière infranchissable. Alors là, les physiciens proposent un double univers, un univers couplé, le nôtre où il y aurait une prédominance totale de la matière en s'éloignant du Big Bang, et dans l'autre univers, un univers complètement antimatière. Il tente de restaurer entièrement la symétrie matière-antimatière en s'appuyant sur le théorème CPT qui combine les symétries de renversement de charge, la symétrie miroir et la symétrie de renversement du temps. Gabriel Chardin est physicien au CNRS. Il nous parle de l'intérêt et des limites de ce nouveau modèle. C'est une idée intéressante qui essaie de revoir comment il pourrait y avoir une distinction ou pas dans la gravitation entre matière et antimatière. Alors, ils essayent de faire un modèle qui garde trois familles de particules et qui pourrait générer une asymétrie dans l'univers comme dans l'autre, qui fait une prédominance d'un côté entre matière et une prédominance d'un côté entre l'antimatière. Ça les amène à des prédictions sur l'existence de trois familles de neutrinos et des neutrinos massifs, au moins un neutrino très très massif, qui pourrait, pour eux, représenter la matière noire, donc ce qui réglerait un autre problème, étant donné que on ne voit pas, on a l'air d'en avoir besoin dans les courbes de rotation de galaxies, du point de vue de la dynamique des galaxies, mais elle résiste désespérément à la détection. Il faut attendre pour avoir la réponse quant à l'existence de ces neutrinos stériles. Par ailleurs, eux, ils voient des neutrinos très très massifs qui sont difficiles à voir autrement qu'indirectement. C'est un modèle assez global, mais après, il faut essayer de trouver des prédictions. En bref, les chercheurs du laboratoire des maladies neurodégénératives en France viennent d'identifier un des mécanismes de la maladie d'Alzheimer. Les résultats de leur expérimentation in vitro sur des neurones de souris ont été publiés hier dans le journal Embo. Alors on sait que la protéine Tau est responsable de la dégénérescence des cellules. Là, ce qui a été élucidé, c'est comment ces agrégats pénètrent les neurones. Les cibles ont été identifiées. Il s'agit de la pompe sodium-potassium et du récepteur au glutamate, des protéines fondamentales pour la survie des neurones. Ils ont aussi montré que les des agrégats de la protéine tau impactent l'intégrité membranaire et notamment celle des synapses, ce qui provoque leur dégénérescence. Alors dans la compréhension de la progression d'Alzheimer, c'est une avancée importante, mais pour le moment c'est sur un modèle animal. Les chercheurs vont à présent étudier ce processus sur des neurones humains in vitro. Et pour finir, comme chaque semaine, nous repoussons les limites de l'intérêt scientifique avec cette rubrique de science improbable. Et vous n'allez pas être déçus cette semaine puisque nous allons vous parler de sonochimie et en Suisse, donc je ne savais pas que cette profession existait, vétérinaire fromager. Un vétérinaire fromager donc cherche à affiner ses fromages avec de la musique, Natacha. Je vous remercie pour cette information qui d'ores et déjà me réjouit. Vétérinaire fromager, c'est sûr que... Alors, voilà. La sonochimie, en tout cas, c'est l'étude de l'influence des ondes sonores sur les corps solides. Et depuis septembre, ce fromager a mis en place tout un protocole. Il a placé sous ses meules des petites enceintes. Pour certains émmentales, il diffuse la flûte enchantée de Mozart, pour d'autres, de la techno. Et il rappelle que ce sont les bactéries qui sont responsables de la formation du goût, mais aussi que les ultrasons peuvent avoir des effets physiques. Alors, est-ce que les infrasons du hip-hop ou de Led Zeppelin auront un impact sur les saveurs? Fin de l'expérience et dégustation prévue le 14 mars. Je ne pourrai jamais le savoir puisque je ne mange pas de fromage. Donc je me serai complètement hermétique à cette information. Mais voilà, bref, merci beaucoup. Natacha, je ne sais pas comment embrayer du tout. On vous retrouve la semaine prochaine. Je vais me retourner vers Philippe Curval. Peut-être un mot sur ce que vous venez d'entendre. Il y a des choses qui, évidemment, convoquent de l'imaginaire de science-fiction, les superordinateurs, l'anti-univers ou un univers pré-Big Bang d'antimatière. Vous suivez toujours, vous, l'actualité scientifique ? Oui, absolument, oui. De très près. Enfin, de très près, mais pas à travers des journaux scientifiques de haut niveau, mais à travers, bon, des journaux de vulgarisation scientifique dans lesquels il n'y a pas forcément la vérité qui ressort, mais qui donnent des idées et qui même sont de la pseudo-science quelquefois, mais qui permettent à un auteur de science-fiction de dériver à partir de ça. Ce qui m'intéresse justement, c'est l'histoire de l'intelligence artificielle, parce que moi je ne l'imagine pas à travers des machines, je l'imagine à travers des androïdes, des robots, enfin des créatures, si vous voulez. Et donc, dernièrement, justement, je m'intéresse actuellement dans mon dernier roman sur le Strong Intelligence Agency, c'est-à-dire l'intelligence artificielle forte. Donc, qui serait non pas reliée par des systèmes informatiques normaux, mais par des systèmes informatiques organiques. Parce qu'à partir du moment où on passe du système informatique normale à l'organique, on peut obtenir des choses totalement différentes. Et ça, donc je travaille beaucoup là-dessus dans mon dernier roman. Par ailleurs, en ce qui concerne le Big Bang, personnellement, j'ai toujours eu une réticence vis-à-vis du Big Bang. Tiens donc, oui. Pourquoi donc, ça? Ben, je ne sais pas, parce qu'il me semble que ça n'est pas possible. Bon. Enfin, je pense qu'il a existé, si vous voulez, mais je pense qu'avant, il y avait autre chose. En particulier, je crois que, puisqu'à partir du vide peut se créer quelque chose. Donc, de toute façon, avant le vide, qui avait-il? Mais alors, en fait, avant le Big Bang, ça n'est pas le vide. C'est-à-dire qu'avant le Big Bang, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça n'est pas du vide. C'est le problème du contenant et du contenu. Voilà. On en parlait dans une émission, dans la 500e d'ailleurs. C'est Sébastien Carassou qui répondait à cette question. Y avait-il quelque chose avant le Big Bang? Mais en fait, non, il n'y avait rien avant le Big Bang. Si, moi, je pense qu'il y avait le vide et que le vide peut produire le Big Bang. Alors, il y a d'autres théories, comme la gravitation quantique à boucle, qui propose le grand rebond, le Big Bounce, où il y a un univers avant qui se recontracte et qui se réélargit. Voilà, c'est une possibilité. Voilà. Cette idée d'antimatière et de matière, évidemment, est une hypothèse qui n'est pas inintéressante. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, vendredi fiction, où nous avons l'immense plaisir de recevoir celui que je qualifiais tout à l'heure de pape de la science-fiction, même si il n'aime pas beaucoup ce terme, mais on va avoir l'occasion d'en rediscuter tout au long de cette heure. Philippe Curval, donc, est notre invité. Alors, on va repartir depuis le début, si vous m'autorisez dire que vous êtes né en 1929. Oui. Ce qui fait de vous un fringant jeune homme, bientôt nonagénaire. Votre dernier récit, Black Bottom, ainsi que les précédents, sont publiés aux éditions La Volte. Ça fait une grande carrière littéraire, puisque vous publiez vos premiers récits, vos premières nouvelles en 1955. Et c'est rigolo parce qu'on dit, ou en tout cas on note souvent, quand on lit vos biographies, que votre premier récit, je le disais tout à l'heure, c'est cette nouvelle que vous avez publiée chez Fiction en 1955, L'œuf d'Eldu. duo, mais avant le Journal des Sciences, je parlais, j'utilisais les adjectifs polymorphes et cyclopéens que j'empruntais évidemment à Lovecraft, et il s'avère que vous avez l'un de vos premiers récits, c'est un pastiche de Lovecraft qui s'appelle « Dans l'abîme du tronche ». Ah oui, oui, absolument. Oui. C'est-à-dire qu'avec Jacques Sternberg, l'avait créé, une revue pratiquement qui n'était pas du tout un fanzine, contrairement à tout ce que le monde affirme, mais une revue qui n'avait strictement rien à dire. Et donc, dans lequel on publiait des textes. Le Petit Silence Illustré. Le Petit Silence Illustré, voilà. Donc, même ce Petit Silence Illustré a eu 8 numéros. Et j'ai créé, il y a 2 ans, un numéro 10, alors qu'il n'y a pas de numéro 9. Et alors, du coup, pourquoi ce pastiche de Lovecraft? Vous lisiez Lovecraft en 55. Lovecraft n'était pas encore très connu. On commençait à en avoir des traductions plutôt dans des recueils de nouvelles. Voilà. Mais le problème, si vous voulez, c'est que nous avions autour de nous Jacques Bergier, qui, lui, était un fanatique absolu de Lovecraft et qui nous en parlait tellement qu'on finissait par, avant de le lire, de savoir de quoi ça parlait. Bien qu'après, on a quand même une certaine révélation de son talent particulier qui était évidemment à mi-chemin entre la science-fiction et autre chose. Ce qui, toujours, depuis le début, m'a intéressé, puisque j'ai pensé que la science-fiction, dans son intégralité dictatoriale, telle que certains ont voulu l'imposer, me semblait un peu faible dans son propos. Et donc, le fait que, justement, Lovecraft amenait un mélange entre fantasy, horreur, fantastique, épouvante et science-fiction, me donnait des idées à l'époque. Alors, Philippe Curval, donc, si cette nouvelle s'appelait dans l'abîme, s'appelle d'ailleurs dans l'abîme du tronche, parce que tronche, c'est votre nom natif. Oui, oui, Philippe absolument. Tronche, vous êtes un parisien pur jus, élevé, né dans le 14e arrondissement. Oui. Et on peut dire, alors, je vais vous laisser évidemment y mettre vos propres mots, mais que vous avez, avant d'arriver à cette carrière d'auteur de science-fiction, un parcours, un début de carrière assez chaotique. Oui, oui, j'ai exercé énormément de professions, en particulier quand même la photographie. Et d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, avoir bien réfléchi à mon itinéraire, je me considère comme un écrivain photographe. Voilà. Donc si vous voulez, c'est très important pour moi d'avoir eu passé par ce moment, parce que l'image est pour moi très importante, et mon écriture est pleine d'images, et c'est ce qui la sous-tend en général. Et c'est pour ça que, en dehors de tout petit métier que j'ai exercé comme peintre de frigidaire ou dans un garagiste. Comptable dans une usine d'agrafeuse. Voilà, c'est ça, j'ai commencé. Comptable, mais oui, c'est ça, c'est épouvantable. Enfin, je ne dis pas ça pour les comptables, mais pour quelqu'un qui n'est pas doué, c'est très grave. Et c'est effectivement l'image, hein, parce que en fait, avant d'être auteur ou de commencer, peut-être que commenciez-vous d'ailleurs à écrire avant cela, mais vous avez usé vos culottes sur les fauteuils de la Cinémathèque, beaucoup très attiré par le cinéma. Ah oui, absolument. Oui, oui, je connaissais la Cinémathèque de l'avenue. En réalité, profondément, ma vocation était de devenir réalisateur. Mmh. Il s'est trouvé que je suis tombé à une époque où alors que j'avais un contrat d'assistant metteur en scène pour un film qui s'appelle Ploum Ploum Tralala. Tout à fait, Robert Régnon, 1947. Voilà, et malheureusement, on a été obligé de passer par ce qui est devenu la FEMIS et qui était l'IDEC à l'époque. Et donc, mon contrat a été rompu, et après, si vous voulez, il n'y avait plus aucune possibilité. J'ai plusieurs amis à qui c'est arrivé. Et puis donc, après, les gens comme Truffaut, Ronda, Godard, etc., si vous voulez, eux, si vous remarquez leur premier film, il y a un vrai metteur en scène qui est noté, et simplement, ils sont derrière, voilà. Et ils ont réussi à... Puis enfin, ils partaient donc des cahiers du cinéma, donc ils avaient une plus grande facilité. Moi, j'ai créé 2 revues de cinéma avec mon ami Jean Curtelin, qui a duré un certain temps. Malheureusement, bon, on s'est fâché très rapidement et je n'ai pas participé à cette revue. Donc, je ne suis pas rentré dans le milieu, parce que finalement, le cinéma est un milieu extrêmement fermé. Et si on ne joue pas le jeu, si on n'essaye pas de s'y intégrer à plein temps, on est complètement exclu, c'est très difficile d'y arriver. Peut-être moins maintenant, parce que les gens qui sortent de la FEMIS sortent des films en permanence. Moi, si vous voulez, qui regarde énormément de films, je suis très étonné. Avant, j'avais un certain nombre de metteurs en scène, mettons 1000. Maintenant, il y en a 20 000. Et je suis très étonné de voir des noms qui sortent, d'ailleurs avec certainement beaucoup de talent, par exemple. Là, je viens de voir un film, malheureusement, je ne me souviens plus du nom de metteur en scène, qui s'appelle Arès, qui est un film de science-fiction français et qui est absolument remarquable. Alors, je vais peut-être essayer de retrouver, on va essayer de vous retrouver, parce que ça ne me dit rien. Normalement, je devrais connaître le nom du réalisateur d'un film de science-fiction français. Un mot, parce que vous dites, Philippe Curval, à ce propos, ma littérature est pour cette raison spectaculaire et imagée. Vous dites, je pense en images, je cadre, je découpe, selon une démarche assez proche de celle du metteur en scène. C'est quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui? Oui, toujours, toujours. J'ai toujours, si vous voulez, de toute façon, j'ai une façon d'écrire assez particulière, en ce sens que je connais très bien le début de mon roman, je connais très bien la fin de mon roman, je connais très bien tous les personnages de mon roman, mais contrairement à certains de mes confrères qui établissent des synopsis extrêmement précis, moi, mon synopsis, c'est le rêve. C'est-à-dire que je me propose des impasses dans un récit spéculatif, et durant la nuit, il se trouve que j'arrive devant ma machine à écrire le matin et tout est résolu et je peux continuer éternellement. Bon, il m'est arrivé quelquefois d'avoir des blocages, mais enfin, dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Donc, c'est pour ça que les images m'aident, c'est les images du rêve et les images qui viennent aussi de cette construction qui s'établit peu à peu. Et il faut bien le dire, la plupart de mes romans ont été écrits 5 fois. C'est-à-dire que à l'époque où il y avait une machine à écrire, parce que je n'ai jamais écrit... Si, le ressac de l'espace, j'ai commencé à l'écrire à 18 ans à la main, mais le manuscrit était à la Bibliothèque nationale. C'est un des rares textes qu'on peut trouver de moi écrit à la main. Et j'ai toujours tapé à la machine. Et donc, si vous voulez, quand on tape un roman de 600-500 pages 5 fois à la machine, c'est assez fatigant. Mais enfin... C'est assez passionnant aussi. Parce que le premier jet, si vous voulez, c'est celui des rêves, justement, qui est motivé par l'idée générale de l'histoire et par les personnages qui sont les porteurs de l'histoire. Et en même temps, si vous voulez, ça me permet de me rectifier à chaque fois, d'une part sur le plan du style, sur le plan de la construction générale de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a 3, 4, 5 versions qui d'ailleurs sont à la Bibliothèque nationale. Et j'ai des gens qui ont établi, par exemple, pour un roman qui s'appelle « Cette chère humanité », il y a des cabines de temps ralenti. Or, il a écrit dans le journal de la Bibliothèque nationale un comparatif des 5 versions de cette cabine des temps ralentis à travers le temps. Alors juste pour préciser pour nos auditeurs, Arès, c'est un film de Jean-Patrick Bénès qui est sorti en 2016, effectivement, qui est un film d'anticipation. Un mot peut-être justement sur cette mécanique d'écriture. Vous travaillez donc vraiment avec un début, une fin, vous le dites, vous travaillez sans plan. Vous travaillez un peu au fil de l'écriture, de la façon dont ça vous vient. Vous dites d'ailleurs que depuis que vous travaillez sur ordinateur, vous modifiez beaucoup plus, que votre travail est devenu plus simple. Oui, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Surtout, c'est beaucoup moins fatigant. Je suis retourné taper, évidemment. Par ailleurs, si vous voulez, je crois quand même que c'est très important pour un écrivain d'avoir justement travaillé avant l'ordinateur. Parce que ça lui donne quand même une espèce de structure mentale par rapport à son projet qui est malheureusement un peu diffuse quand on a un ordinateur et qu'on commence à écrire. C'est un peu l'histoire de Proust... On a l'impression qu'on peut recommencer éternellement la première phrase. Et justement, le fait d'avoir pu arriver au bout d'un roman, ce qui est déjà quand même un travail assez considérable, permet d'avoir une structure mentale qui me semble assez favorable par rapport à débuter simplement directement avec un ordinateur, bien que des quantités d'auteurs peuvent le faire aujourd'hui, quoi. Quel est le point de départ d'une histoire pour vous, Philippe Curval? À partir, comment est-ce que ça naît? Vous avez été journaliste scientifique, vous dites que vous suivez un peu l'actualité scientifique. Pour autant, vos romans sont pas vraiment ce qu'on peut appeler de la hard science, c'est-à-dire qu'ils sont pas très très fondés scientifiquement. C'est de l'anticipation, c'est très politique, mais on peut pas vraiment qualifier ça d'une structure scientifique. On n'a pas l'impression que c'est ce qui vous intéresse, en fait. Si, ça m'intéresse profondément, mais ça m'intéresse de la transcrire, voilà. Si vous voulez. Parce que bon, j'ai cette phrase que je répète très souvent, c'est « la science est le laboratoire des vérités éphémères ». Et donc je pense qu'à travers le temps, effectivement, en dehors de quelques principes physiques qui sont inaltérables, dans l'ensemble, j'ai vu évoluer la science avec un étonnement considérable, en pensant que c'est magnifique parce que c'est la recherche, et d'ailleurs c'est complètement compatible avec le travail que nous faisons nous-mêmes. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut à la fois être complètement imbibé par la science, et pour moi c'est une des réalités, puisque j'étais journaliste scientifique pendant longtemps, et donc et en même temps pouvoir s'en détacher et pouvoir faire un travail parallèle. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans la science-fiction, c'est vraiment de faire le travail parallèle à la science. Et même je dirais, si vous voulez, qu'à partir d'un point de vue de départ, si on le conçoit bien, c'est un travail scientifique qu'on opère. C'est-à-dire que on essaye justement, avec une logique comparable à celle de la science qui avance par petits paliers pour arriver à un résultat qui soit totalement probable, avec cette forme de littérature, on peut aussi faire, en spéculant sur une idée originale, avancer progressivement et voir que d'un moment à l'autre, c'est la logique qui continue. C'est un peu comme si on faisait une équation dans laquelle le début, la proposition de début équivaut à la fin. Voilà. Donc on a résolu l'équation en écrivant son roman. Quels sont vos premiers souvenirs de science-fiction, Philippe Curval, en tant que lecteur, au cinéma peut-être, parce que vous dites que vous avez effectivement été très très attiré par le cinéma. Est-ce que ce sont des films, des images? Est-ce que c'est un livre, un auteur, un récit en particulier? Je veux dire que quand même, j'ai eu un frère qui était médecin d'ailleurs, et qui m'a un peu initié, puisque très jeune, j'avais 5 ans de différence avec lui. Lui était un passionné de science, et donc s'est toujours intéressé depuis le départ à des romans qui n'étaient pas justement des romans de littérature générale, bien que je pense que la science-fiction est une littérature générale. On y reviendra. Mais très tôt, j'ai lu des romans de science-fiction, et même, si vous voulez, j'ai fait un peu, d'une manière totalement embryonnaire, ce que ont réalisé aujourd'hui Joseph Alterac et Coste, rétrofiction, c'est-à-dire un recensement entier de tout ce qui a pu être publié depuis l'éternité en France particulièrement, qui a un rapport avec la science-fiction. Joseph Alterac, Guy Coste, voilà. Qui était à cette place ici, voilà. Il y a quelques semaines, on va vous remettre le lien sur le fil Twitter. Voilà. Et donc j'avais accumulé un nombre considérable. D'une part, je cherchais dans les bibliothèques, ça s'appelait pas des médiathèques à l'époque, tous les romans dans lesquels il y avait Lune, Espace, etc. Souvent, il y avait rien, mais quelquefois... Donc j'avais accumulé quand même une bibliothèque assez considérable de romans de science-fiction français. Donc je parle pas des grands auteurs comme Spitz, Renard, Ronnie Aîné, etc. D'autres auteurs beaucoup plus discrets, beaucoup moins connus, et que je retrouve maintenant dans ce rétro-fiction qui est assez spectaculaire. Bon... qui est tout à fait spectaculaire, voilà. Et qu'on aime beaucoup. Oui. Voilà. Et donc, quand la librairie de la Balance s'est ouverte, si vous voulez, j'ai pu rentrer dedans avec une grande facilité parce que, bon, comme j'étais assez pauvre à l'époque, j'ai vendu 4 valises de science-fiction ancienne à la libraire qui est devenue une de mes meilleures amies et chez qui j'ai travaillé pendant très longtemps. Et voilà. La librairie de la Balance qui était la première librairie spécialisée de science-fiction à Paris. Voilà. Dans laquelle il y avait Boris Vian, dans laquelle il y avait Carouge, Jacques Bergier, Michel Pilotin qui est moins connu, et puis des quantités d'autres gens, même un des premiers auteurs de science-fiction français au moment où la science-fiction a commencé à prendre un nom qui s'appelle Borde, Francis Carsac, quoi. On va revenir quelques instants sur ces débuts de vie. Vous êtes un peu fâché avec le milieu scolaire et avec le milieu ecclésiastique après être passé chez les jésuites. C'est pas très très bien passé. Vous êtes un peu fâché avec l'armée aussi parce qu'on vous a collé 4 mois en cellule psychiatrique au Val-de-Grâce après votre service militaire. Alors je vais utiliser volontairement un anachronisme, quand on regarde un peu ces premières années de parcours professionnel multiples et divers, comme vous les appelez, une sorte de vie un peu punk. Philippe Curval. C'est-à-dire, si vous voulez, j'étais ce que j'appelle un révolté sans idéal, sans véritablement de projet politique. C'était vraiment... un peu punk. La société telle qu'elle se présentait m'offrait vraiment peu de débouchés et franchement, j'étais contre, résolument contre. Donc je ne sais pas pourquoi, c'était fondamental. D'ailleurs, je pense qu'à travers mes romans, ça doit se voir et se sentir. Enfin, bon, à l'époque, je ne me considérais pas comme un anarchiste parce que finalement, je ne connaissais pas le nom. Après, je suis devenu anarchiste, mais je suis un anarchiste sans culture, sauf que j'ai quelques livres de base, comme Bakounine ou quelques autres. Mais finalement, je ne suis jamais véritablement adhéré à un mouvement. Puisque je suis véritablement anarchiste, je ne peux pas adhérer à un mouvement. C'est à cette époque aussi que vous rencontrez deux personnes qui vont devenir vos amis, qui vont occuper une place importante dans votre vie. Écoutez l'un d'eux à propos de Paris la nuit. J'ai commencé à écrire il y a longtemps parce que j'ai toujours fait plus ou moins des articles pour les journaux. J'ai pas mal fait de journalisme. Et puis j'ai eu cette habitude, j'ai voulu découvrir Paris. Si l'on veut le découvrir, mais un peu par moi-même tout seul. Alors naturellement, c'était le Paris la nuit, car le jour on est obligé de travailler. Et les nuits libres, alors je les passais à travers les rues, à droite et à gauche. C'est ainsi que j'ai vu tous ces bistrots ouverts. Et où là où on s'aperçoit que Paris est la ville qui compte peut-être le plus de solitude. Parce que les gens qui vont au bistrot la nuit, ce sont simplement des solitaires qui recherchent. Ils n'essaient pas de ne plus avoir leur solitude, mais de la sentir entourée un peu, si l'on veut, par d'autres solitudes. Souvent, il n'y a aucun rapport entre deux individus qui boivent un verre. Il n'y a aucun contact, mais le fait d'être l'un près de l'autre suffit à passer un certain laps de temps. Voilà la vie d'un célèbre noctambule que vous avez bien connu. Oui, que j'ai bien connu. Philippe Curval. D'ailleurs, qui m'a inspiré à un roman qui s'appelle Il y a quelqu'un, qui est un roman sur Paris. C'était Robert Giraud. Hein. Oui, enfin, c'est Robert Giraud. C'est Robert Giraud. C'est Bob. C'était un ami de bistrot, faut bien le dire, avec lequel il m'emmenait dans les halles. Il m'a initié beaucoup au Paris de la nuit. Bon, j'étais aussi très proche du Paris de la nuit, mais lui avait une connaissance considérable de la chose. C'est son œuvre. Paris la nuit, c'est son grand œuvre. Voilà, son grand œuvre. Et je dois dire que je suis très reconnaissant de m'avoir initié à ce Paris de la nuit. Et Il y a quelqu'un est un roman justement qui est la déambulation d'un ivrogne dans Paris à travers une histoire de science-fiction, puisque le personnage principal a perdu sa femme dans une explosion dans un endroit qui n'existe plus, qui est une galerie dans laquelle il y avait un magasin Sony. Et donc c'est un itinéraire dans un Paris qui est à moitié vieux, si vous voulez, où on trouvait encore des concierges sur le pas de leur porte en train de bavarder entre elles. C'est vraiment, et en même temps, c'est une histoire dans laquelle le futur arrive comme une espèce de prédateur, parce que finalement il se trouve qu'il y a un mur dans le futur qu'on ne peut pas dépasser, et que la révolution est terrible. Il faut donc que les gens reviennent en arrière pour envahir Paris du passé, de façon à pouvoir y vivre, parce que le passé, le futur est invivable. Les filles qui la nuit s'offrent au coin des rues connaissent de belles histoires qu'elles disent parfois mêlant aux phrases crues les chers souvenirs que garde leur mémoire. Mais d'une voix si grave, émouvante et têtue qu'on ne peut s'empêcher de croire les filles qui la nuit s'offrent au coin des rues. Une en joignant les mains évoque sa jeunesse passée au bord de l'océan. L'autre d'un jour meilleur évoque la caresse, celle-ci parle d'un enfant. Et toutes se dépouillent humblement et confessent l'heure plus dure, l'heure plus douce instant. Les filles qui la nuit s'offrent au coin des rues connaissent de belles histoires qu'elles disent parfois mêlant aux phrases crues les chers souvenirs que garde leur mémoire. Mais d'une voix si grave, émouvante et têtue qu'on ne peut s'empêcher de croire les filles qui la nuit s'offrent au coin des rues. Elles ont du portier. Les filles qui la nuit de Fréhel, puisque Philippe Curval est notre invité. Alors pourquoi puisque ? Parce que vous n'avez pas nous révélé que vous avez eu une aventure avec Fréhel, Philippe Curval. Non. Mais un mot tout de même sur ce choix musical, parce qu'on n'a pas choisi ce morceau tout à fait par hasard. Oui, je vois, parce que Bob Giraud et ses amis avaient permis à Fréhel, qui était dans un état grave, de constituer un petit cabaret dans lequel il l'avait amené à chanter et lui a permis de chanter jusqu'à la fin de sa vie pratiquement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir vu ça. Philippe Curval, donc vous êtes notre invité tout au long de cette heure. Alors on va revenir sur votre œuvre qui, comme je le disais tout à l'heure, est aussi foisonnante qu'inqualifiable. Compliqué d'appréhender cette œuvre dans son ensemble tellement elle est diverse, foisonnante. Je ne sais pas, ce sont vraiment les mots qui me viennent le plus facilement à l'esprit. Ce qui est intéressant, j'aimerais vous faire réagir à quelque chose que vous aviez dit, puisque on l'a dit, hein, le premier récit, disons, du canon de Philippe Curval, c'est l'œuvre d'El Duo qui est publiée en 55 dans la revue Fiction. Et vous disiez à propos de la science-fiction, il y a deux types de SF, celle que j'écris, c'est-à-dire celle qui s'intéresse à notre avenir, au progrès de la science et aux relations que peuvent avoir ces progrès par rapport à l'évolution de la société, et puis une autre SF qui, elle, est tournée vers l'espace. Cette dernière part d'un principe fondamental pour échapper au fait que la surpopulation va nous tuer et va dévaster la Terre. La seule solution est de partir vers l'espace. Pour autant, vos premières œuvres prennent l'espace relativement à bras-le-corps. Vous tentez un peu cette science-fiction spatiale qui est la science-fiction émergente et qui arrive d'ailleurs pour beaucoup d'Angleterre ou des États-Unis au début des années 50. Oui, le ressac de l'espace, qui est quand même mon premier roman dans lequel j'ai eu le prix, pour lequel j'ai eu le prix Jules Verne, si vous voulez, justement, était complètement dans cette voie de spatiale, parce que ça m'avait très intéressé de montrer qu'il pouvait y avoir des extraterrestres qui n'étaient pas hostiles. Alors que toute la science-fiction montrait des extraterrestres hostiles, les miens ne l'étaient pas. Et donc j'ai voulu montrer, à travers ce roman, qu'il y avait une possibilité de fusion entre les humains et les extraterrestres. Bon, et comme naturellement, dans toute tentative de fusion, il y a toujours des rébellions, il se trouve qu'au bout d'un moment, un certain nombre de révoltés ne veulent pas adopter cette façon qu'ont mes extraterrestres, qui s'appellent les Tsalk, de faire une espèce d'harmonie symbiotique entre les humains et les extraterrestres, de façon à ce qu'ils partagent une espèce de télépathie et qu'ils vivent en une harmonie totale. Et cette harmonie, au bout d'un moment, finit par exaspérer certains personnages, comme moi sans doute, et finissent par vouloir se révolter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'avais imaginé un Paris, si vous voulez, dans lequel le vieux Paris existait au centre, dans lequel habitaient ce qu'on appelait les archépoles, et que tout autour de Paris se construisait un mur de gratte-ciel, si vous voulez, et qui faisait qu'il y avait une espèce de distance entre les deux Paris. Bon, ça ne s'est pas produit de cette façon, mais déjà à l'époque, si vous voulez, il se construisait ce qui s'appelait des HBM, qui sont devenus des HLM, mais ça s'est étendu, mais le HBM entourait le boulevard périphérique intérieur. Et donc, ça me donnait justement cette idée que, au fur et à mesure que s'étendraient les immeubles grandiraient, etc. Bon, ça ne s'est pas produit. On ne peut pas toujours trouver. Ça n'est d'ailleurs pas le rôle des auteurs de science-fiction. Vous le dites bien. Vous dites que les auteurs de SF ne sont pas des futurologues. Nous ne sommes pas là pour prouver que nous avons eu raison. Absolument. Mais néanmoins, nous avons quand même une certaine perception voilà, vous dites que les écrivains ne sont pas des futurologues, mais ont une certaine perception de l'avenir qui est un peu différente de celle des autres, c'est-à-dire. Ben, je crois que c'est une sorte d'intuition. Je ne sais pas d'où elle vient. Sans doute, peut-être aussi par la lecture de journaux de vulgarisation. De vulgarisation scientifique qui, eux-mêmes, sont un peu prospectifs, puisque dès qu'il y a la moindre petite tentative d'invention, ils la répercutent comme si c'était quelque chose qui allait aboutir dans quelques instants. C'est ça qui avait changé le monde. Voilà. Donc j'ai voulu, justement, à ce propos, montrer que on peut, à travers, justement, les inventions à devenir, trouver des solutions tout à fait différentes de ce qu'on voit aujourd'hui. Vous dites, Philippe Curbel, que vous n'êtes pas très client de cette étiquette de science-fiction. Vous dites l'idéal, ça aurait été futurisme ou fiction spéculative, mais c'était déjà pris. Ben, si vous voulez, bon, comme je le disais auparavant, j'ai lu de la science-fiction avant que ça s'appelle ainsi, alors que ça s'appelait exactement de cette façon aux États-Unis, mais en France, personne ne connaissait le mot, sauf quelques personnes comme Jacques Berger, par exemple, qui était un correspondant d'Amazing dans les années 30. Moi, je ne connaissais absolument pas ces revues, et donc je l'ignorais. Donc j'écrivais de la science-fiction. Quand j'ai commencé le ressac de l'espace à 17-18 ans, je ne savais même pas ce que c'était ce mot. C'était simplement de la littérature, simplement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, mon idée, c'était de montrer comment la technologie va influencer la sociologie, la société, comment transformer le monde. Et profondément, c'est ça qui m'a toujours intéressé. Même si vous voulez, dans le ressac de l'espace, qui n'est pas un véritable space-opéra, puisque tout se passe sur Terre, sauf à la fin où ça va sur Vénus, mais parce que les révoltés vont sur Vénus. Je ne sais pas ce qu'ils y feraient aujourd'hui, mais c'est sûr. Quand même une idée comme une autre. La Vénus qui vous a un peu habité au début de votre carrière. Ailleurs, ouais, voilà, ils étaient ailleurs. Et je crois justement que c'est ça qui est important, c'est de montrer qu'on peut trouver des passages entre le futur en devenir et l'intuition qu'on peut en avoir par rapport à l'évolution de la société. Et si vous voulez, par exemple, bon, je trouve que l'Europe après la pluie, surtout ma trilogie, donc surtout, il y a trois romans. Mmh. Le premier, donc, s'appelle Cette chère humanité, qui n'est pas d'ailleurs le premier dans l'histoire de cette trilogie, qui sont complètement indépendants les uns des autres, justement, montre... Le dormeur s'émigra-t-il en souvenir du futur, hein, qui sont les voilà, trois. Voilà, la formation, ouais, c'est ça. La formation de ce que j'appelais à l'époque le Marcom, c'était le marché commun. Donc, c'était le marché commun s'enfermait complètement, enfin, l'Europe des 13 à l'époque, s'enfermait complètement dans un mur de force infranchissable et créait une société complètement fermée, ralentie, dans lequel on excluait tout débordement et dans lequel les gens, justement, avaient des cabines de temps ralenti qui leur permettaient de vivre 7 jours pendant un jour et de façon à ce que tous les immeubles étaient fermés. C'était un monde de ténèbres dans lequel il y avait quand même quelques exceptions. Par exemple, il y avait les montreurs de rêve. Donc, c'est aussi une invention qui est possible, si vous voulez. C'est-à-dire que des gens avaient inventé un moyen de sonder l'esprit humain au moment du sommeil paradoxal et donc de le visualiser grâce à un appareil. Et donc, il y avait toute une religion qui s'était établie autour de ces montreurs de rêve. Donc, c'est ce genre de choses, si vous voulez, qui... Aussi, il y avait une architecture tout à fait originale qui partait justement d'une fantaisie débridée, puisque les immeubles étaient en forme de moulins à légumes ou d'autres appareils ménagers. Et surtout, donc, je montrais dans ce roman comment, malgré tout, alors que je suis un ferme européen depuis l'âge de 5 ans... Pourquoi 5 ans ? Je dis 5 ans, mais ça aurait pu être 7. Enfin, j'ai toujours été un fervent européen. Et je voyais quand même que la façon dont l'Europe se construisait allait aboutir à quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Et surtout, le problème, c'était celui donc de la Commission de Bruxelles, c'est-à-dire les normes. Parce que j'avais beaucoup travaillé, justement, comme journaliste scientifique. Je m'occupais beaucoup de la revue de DF. Et donc, là, j'ai été donc au laboratoire. J'ai vu des expérimentations sur la magnéto-hydrodynamique, sur la fission. Et là, j'ai vu, justement, cette possibilité de... Je m'arrête. De... Oui, non, mais ce qui est intéressant dans tout ça, Philippe Curbel, c'est que on voit notamment à travers cette trilogie, mais aussi plus généralement dans votre œuvre, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est-à-dire vraiment cette littérature de science-fiction comme un outil littéraire de transformation sociale. Voilà, c'est ça. C'est avant tout ça ce qui m'intéresse. Bon, actuellement, la science-fiction est quand même pratiquement à 80% du space-opéra. Le space-opéra, c'est à moitié roman d'aventure, un peu de fantaisie et un peu de science, mais très peu, sauf quelques romanciers comme Peter Watts, par exemple, qui a complètement renouvelé le space opéra avec un de ses romans. Sinon, la plupart du temps, c'est très répétitif. Et surtout, ça n'amène pas grand-chose par rapport à la vision qu'on peut avoir de l'humanité en train d'avancer. Et moi, j'ai toujours voulu justement être très proche de la technologie, parce que la technologie change le monde d'une manière absolument fulgurante depuis un demi-siècle. On voit, moi qui justement remonte à plus d'un demi-siècle, j'ai vu, si vous voulez, comment je me promenais à travers les champs, je voyais les gens qui travaillaient à la bêche, et qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut maîtriser un champ de blé de 100 hectares avec une seule personne et une seule machine. J'aime bien cette citation qui résume un peu ce que vous venez de dire là et que je trouve assez, assez forte. Vous dites « La SF est là pour accomplir ce formidable travail de restructuration qui nous attend pour être capable d'assumer notre futur, pour nous aider à décortiquer la carapace de civilisation qui nous empêche de nous épanouir. » Et là, ce passage-là que je trouve très fort, ce n'est pas pour faire craquer la littérature que la SF est née, mais c'est à long terme pour faire craquer notre vieux monde. En attaquant en permanence le réel qui tourne à la monotonie, la SF cherche à imposer une révolution permanente. Vous faites une littérature révolutionnaire, Philippe Curval ? Oui, je pense, une littérature révolutionnaire. Elle est révolutionnaire parce qu'elle propose aux gens une vision du futur qu'ils n'ont pas, alors qu'eux-mêmes utilisent des objets de la technologie sans même savoir comment ils fonctionnent. C'est assez extraordinaire de voir quand même la façon dont les gens ont des smartphones, des ordinateurs, et combien y a-t-il de gens qui s'intéressent à la façon dont ça marche ? C'est ça qui est dramatique. Et je pense que quand même, l'acculturation des Français, en particulier, par rapport à la science, par rapport à la technologie, est quand même gravissime, parce que, si vous voulez, si la population accompagnait par la pensée et par la lecture le travail des scientifiques, ce que j'essaie de faire moi-même, je pense que ça serait quand même quelque chose de très important pour eux. Ils verraient le monde d'une manière différente. Parce que quand même, quand on voit que les avancées considérables qui ont été réalisées depuis une cinquantaine d'années et que les gens s'en servent sans jamais s'intéresser à la façon dont ça se produit, moi, pour moi, ça me navre totalement. Et je crois, si vous voulez, que dans mon attitude et dans les livres que j'écris, j'essaie justement de montrer comment ça provoque des révolutions considérables dans la façon d'agir, dans la façon d'être, dans la façon dont on a des relations avec les autres. Et ça, c'est quand même très important. Quand même, justement, dans cette chère humanité, si vous voulez, on parlait d'intuition tout à l'heure. À l'époque, Internet n'existait pas. Quand j'ai écrit ce roman, c'est parce que finalement, il est paru en 73, mais j'avais commencé à l'écrire en 70, parce que souvent, je mets 3, 4, 5 ans à écrire un roman. Et donc là, dans ce roman, quand même, il y a le vote électronique, les gens ont des swatchs à la main, et ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pareil. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'intuition bizarre qui vient de je ne sais où, mais qui est peut-être due au fait que je m'intéresse profondément au monde en train d'avancer, et que je cherche justement comment il peut avancer. Et en même temps, là, à propos de cette chère humanité, je vous montrais comment la norme, elle est absolument mettre en péril l'Europe, parce que c'était cette façon de tout normaliser provoque une espèce de paralysie générale. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a deux romans sur lesquels j'aimerais vous entendre, Philippe Curval. Vous dites d'ailleurs que c'est peut-être l'un de vos romans préféré, si ce n'est votre roman favori, un roman qui est moins connu de vous, qui s'appelle L'odeur de la bête, que vous avez publié en 1980 chez De Noël. C'est un roman assez particulier parce qu'il s'agit d'un roman érotique. Oui, de toute façon, à travers ma littérature, je suis un des rares auteurs de science-fiction dans lequel l'érotisme a une part très importante. Parce que finalement, si vous lisez beaucoup, beaucoup de science-fiction, vous verrez que pratiquement, on a l'impression que les gens sont dénués d'appareils génitaux. Or, moi, je pense quand même que c'est une des choses fondamentales de l'être humain et que finalement, nous sommes totalement conditionné par nos gonades et que c'est très dommage de ne pas montrer à travers la science-fiction que ça aussi a une importance considérable dans les rapports que les êtres humains ont les uns entre les autres. Et donc ce roman est assez particulier en ce sens que, si vous voulez, c'est une planète qui a été rachetée à l'URSS par les Américains, dans lequel il y a eu une construction soviétique. Mais il y a sur cette planète des extraterrestres, dont certains sont complètement communisés, mais vont se transformer sous l'influence des Américains. Et il y a aussi d'autres êtres, les Naonites, qui sont des êtres un peu hermaphrodites, si vous voulez, mais très, très étranges, très, très particulier. Et donc, mon personnage principal va arriver dans cet endroit, qui est d'ailleurs d'une architecture tout à fait étonnante, parce qu'elle a été faite par des architectes de génie, et qui provoque presque un déséquilibre pour celui qui arrive dans cette planète qui s'appelle... je ne sais plus comment elle s'appelle. Je peux vous le retrouver, je ne l'ai plus en tête non plus, mais je vais le retrouver. Bon, c'est pas très grave. Donc, de toute façon, ce qui est important, c'est que justement, petit à petit, il va y avoir un rapport... qui va être sexuel entre ce Naonite et le personnage qui va arriver sur cette planète. Et donc, ça va soulever de la part de l'agent qui habite cette planète une véritable révolte qu'il y ait justement des rapports sexuels entre une extraterrestre à moitié hermaphrodite et un humain. Et donc, il va provoquer une espèce de folie générale de la planète tout entière, au fur et à mesure que les événements vont se produire. Et après ça, vous enfoncez le clou, si vous me permettez l'expression, avec un roman, Tous vers l'extase, que vous qualifiez de pure géométrie pornographique. Je vous cite un space opéra foutral. J'adore l'idée. Ben, l'idée, si vous voulez, c'est de montrer... voilà, c'est-à-dire... je ne résume pas le début, parce que c'est un peu compliqué, mais on a trouvé un système, si vous voulez, qui permet à toutes les races de la galaxie de faire l'amour entre eux. Et donc, mon héroïne, c'est une héroïne principale, va à la recherche de cet appareil, parce que elle voudrait en profiter, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et puis, en plus, elle est payée par un client qui voudrait le trouver aussi. Qui ne voudrait pas en profiter. Voilà. Et donc, finalement, toute cette histoire va être la traversée de mon héroïne à travers la recherche de cet appareil, et donc de le trouver, et donc de pouvoir avoir des rapports considérables, totalement géométriques, quelquefois, avec d'autres extraterrestres. Voilà. Un mot, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cet entretien. Aujourd'hui, quel est votre regard aujourd'hui, Philippe Curval, sur justement, vous l'avez dit un peu, sur cette science-fiction du 21e siècle qui est très spatiale, mais pas uniquement. Elle est aussi très dystopique. On voit beaucoup de récits d'anticipation à court terme qui sont très cauchemardesques. Comment est-ce qu'on écrit de la science-fiction en 2019 quand on a le sentiment que la dystopie, elle est là, elle est à notre porte, que le climat s'effondre, que les extrêmes resurgissent partout, que la technologie devient un enfermement Quel est votre imaginaire de science? Justement, c'est mon dernier roman, Black Bottom, si vous voulez, qui est totalement la résolution de ça. Si vous voulez, je suis parti d'une phrase d'un physicien, s'appelle Carlo Rovelli, qui citait que Einstein avait prévu que certains événements ne se situent pas entièrement dans le passé, ni entièrement dans le futur, mais dans un intervalle entre les deux. Une sorte de présent étendu, dont la durée peut être très longue. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, j'ai inventé cet intervalle qui s'appelle l'art réel. Et donc, mon personnage principal est un schizophrène qui s'est véritablement dédoublé. Et donc, il va y avoir une histoire extraordinaire parce que tout ça se passe dans le milieu de l'art, si vous voulez. Mon père, mon grand-père, mes deux oncles ont été marchands de tableaux. Et donc, je connais très très bien donc le monde de l'art et le monde de l'art actuel en particulier, avec d'une part une espèce de développement complètement délirant d'un art absolument sans intérêt et vendu très cher, en même temps une espèce de surenchère généralisée qui a complètement transformé le rapport du collectionneur avec l'art, et j'ai voulu montrer comment l'art de demain pouvait exister. Et si vous voulez, j'ai pratiquement justement utilisé une méthode scientifique pour faire ce roman, c'est-à-dire que je suis parti donc de ce principe de l'art qui allait évoluer, et j'ai travaillé un peu comme un scientifique travaillerait sur un projet de ce genre. Et petit à petit, j'ai découvert des nouveaux matériaux, des nouvelles façons de créer de l'art, jusqu'à trouver l'art terroriste. Voilà. Et tout ça, ça se passe dans une Venise tout à fait particulière, en ce sens que, bon, Venise, j'ai toujours vécu là-bas, j'y suis avec ma femme pendant des années. Qui est un des voilà. lieux récurrents dans votre œuvre, dans votre voile. Et j'ai donc été invité par une fondation américaine à passer 2 mois à Venise, près du Rialto. C'est merveilleux parce qu'il y avait un magnifique marché aux poissons. Comme je suis très gastronome, c'était très agréable. Mais en plus, si vous voulez, ça m'a permis de montrer comment pouvait évoluer l'art jusqu'à cet art terroriste. Et ça a été absolument passionnant. En plus, j'ai pris, comme je suis donc un écrivain photographe, si vous voulez, j'ai pris des photos de Venise totalement différentes de ce que font les autres photographes habituels. Et donc, à partir de ces photos, et souvent j'ai écrit les romans à partir de photos. J'ai accumulé, par exemple, pour Il y a quelqu'un dont je parlais tout à l'heure, une centaine de photos. Et vous avez trouvé à chaque fois votre héroïne, c'est ça? Et après, j'ai écrit le roman d'après les photos. Ouais, alors là, j'avais écrit le synopsis. Un mot pour conclure, Philippe Curval. Vous dites, tout de même, dans ce contexte très dystopique qui est celui de notre présent et notre actualité, vous dites qu'on assiste en ce moment à une renaissance de la science-fiction française. C'est-à-dire que la science-fiction française s'est un peu étiolée et aujourd'hui, vous voyez de nouveaux auteurs qui vous enthousiasment. Oui, il y a eu plusieurs époques. Si vous voulez, la science-fiction, c'est un peu une courbe en forme sinusoïdale. Ouais. Et là, à plusieurs époques, il y a eu des résurgences. Et là, dernièrement, quand même, un certain nombre d'auteurs, comme Damasio, comme David Calvo, en particulier donc tous les auteurs qui sont avec moi. Sabrina Calvo maintenant. Pardon. Qui est comme tous les auteurs qui sont à la Volte. C'est une science-fiction totalement différente qui ne peut pas s'appeler autrement parce que les libraires classent les livres selon ça. Black Bottom, par exemple, si vous voulez, a été classé dans les romans fantastiques. Et quand j'ai demandé à la personne qui s'occupe du rayon de science-fiction pourquoi vous placez ce roman qui mélange tout, aussi bien le fantastique que le scientifique, et pourquoi l'avez-vous mis là? Elle m'a dit, ça a été décidé comme ça, on ne peut pas changer. Alors que vous dites que la science-fiction se trouve de plus en plus dans la littérature blanche, vous parlez de Tristan Garcia, de Boulogne Sansal. C'est ça qui est invraisemblable, c'est que la science-fiction se répand partout, qu'on la voit maintenant à travers des tas d'auteurs de littérature dite blanche, dite générale, que j'appelle littérature ordinaire. ça leur fera plaisir. Et c'est ça qui est étonnant, c'est de voir justement que là, au moment où tout se mélange, où justement chacun a compris que à travers la science-fiction, on peut exprimer des choses extraordinaires et qui vont complètement attaquer le lecteur d'une manière différente. Parce que c'est une chose qui est très importante que je voulais souligner, justement, c'est que la grande difficulté pour l'auteur de science-fiction, c'est de provoquer l'émotion, si vous voulez. Parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, que les gens ne s'intéressent pas à la technologie, donc ils ne s'intéressent pas, l'émotion ne rentre pas dans la technologie pour eux, alors qu'on peut être très ému par la technologie. La science-fiction émotive de Philippe Curval, c'est disponible dans les éditions La Volte pour les derniers romans Black Bottom, On est bien seul dans l'univers, Les nuits de l'aviateur. On va vous mettre toute la bibliographie qui serait trop longue à énumérer ici sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup Philippe Curval d'avoir été avec nous au cours de cette heure. On était vraiment ravis de vous accueillir. Un mot pour vous dire que demain, vous pouvez venir nous voir, tous les producteurs de France Culture, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, puisque c'est le premier forum l'année vue par les savoirs. Nous poserons la question suivante, comment vivre dans un monde à plus de degrés, philosophie, histoire, science, culture. Olivier Gesbert, Adèle Von Rett, Emmanuel Laurentin, Étienne Klein, tout le monde sera dans le grand amphi et moi-même bien sûr. Demain, c'est gratuit mais il faut vous inscrire sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore Pérez, Eve Etienne, Céline Lausanne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, lundi nous parlerons champignons, mardi de Vénus, mercredi de l'invasion des bots, des robots sur internet, jeudi du groupe de mathématiciens Bourbaki et vendredi ce sera la diffusion donc du forum enregistré demain à la Sorbonne. Demain à 16h, c'est le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve soit demain à la Sorbonne, soit lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.